Les voix s'élèvent doucement, elles ne chantent pas un nom, elles chantent ensemble. Nous sommes les fils du sable, unis dans garde les secrets, ils frappent la terre de leurs pieds, ils appellent sans mots le rythme et leur croyance, leur foi, une pulsation ancienne. Des sables.